Épilogue. Toute ma vie, dit Cherubim en caressant affectueusement son chapeau melon, j'étais de ceux que les reporters appellent un brigand chevaleresque. Il s'était garé dans un coin du compartiment de première, mis à leur disposition. En écoutant parler Bim, la jeune fille sourit. Il y avait maintenant de la joie dans tous les regards, car les plaines que traversait le train étaient celles de la Pologne. J'ai souvent pensé, Master Bim, dit Eren, que vous avez été notre ange gardien. Chéri rayonna. Avant de vous quitter, cher camarade, je voulais effacer toute mauvaise impression dans vos esprits. Je tiendrai en particulier à l'estime d'une dame de la haute. Vous avez toute mon estime, chéri, dit la jeune fille en posant sa main sur le bras du gangster. Vous êtes un... Oui, oui, c'est ça, conclut Bim en venant à son aide. Je suis un brave garçon, seulement j'ai horreur de travailler, voilà tout. D'ailleurs, il se peut que je n'en ai plus besoin désormais parce que j'ai gagné assez de... Enfin, je me comprends. Malcolm lui donna une petite tape amicale. Vous quitterez la Russie plus riche qu'aucun de nous, mon cher Bim. Ce n'est pas beaucoup dire, remarqua le silencieux Malenkov. Altesse, n'y aura-t-il pas moyen de recouvrer la fortune de votre père? Elle n'existe plus, dit-elle très calme. Je n'ai même pas le livre du pauvre Israël Kensky, ajouta la jeune fille en souriant. Où l'avez-vous trouvé? Sur la route. Alors j'ai fait sauter la serrure parce que j'avais besoin de quelques feuilles pour allumer un feu. C'était pour faire ralentir le train. La jeune fille tendit la main vers le volume, mais Bim continua, sans le lâcher. « Je ne sais pas lire le russe. Que veut dire ceci ?» Il posait son doigt sur l'inscription de la couverture de cuir. Irène traduisit. « Ce livre renferme le secret de la toute-puissance et les formules capables de déceler les cœurs des hommes et de fondre leurs orgueilleuses résolutions. » Chéri l'écouta sans l'interrompre, puis « C'est une blague !» dit-il tranquillement. « La preuve, c'est que ma résolution ne fond pas. Tenez, miss, voilà le livre. » Elle le prit, perplexe, l'ouvrit, et se mit à en tourner les pages, ne pouvant en croire ses yeux. Chaque feuillet était un billet de banque de 1000 livres. « C'est évidemment ainsi que Kensky gardait son argent, » dit Malenkov. « Dans des temps si troublés pour les Juifs, il aura pensé que c'était plus sûr de convertir sa fortune en monnaie anglaise. Et quand ses affaires marchaient bien, il intercalait un billet dans son livre. » La jeune fille, émerveillée, se tourna vers Bim. « Saviez-vous que ce livre contenait des billets de banque ?» demanda-t-elle. « Un peu, puisque j'avais commencé à les brûler. » Ainsi s'achève le talisman mystérieux par Edgar Wallace.